passe bien. C'est ici qu'elles viennent, la saison de terre de haine. Dernier brassin de la saison, fin d'hiver, début printemps. Pour les moissons, les saisonniers, une bonne saison. Maltée, doucement amère, elle désaltère et inspire. On la brasse aujourd'hui, et là, c'est un style. La saison belge des terres de haine. Ainsi soit-il, et on voit-il aussi des grisettes des terres de haine. N'oubliez jamais, car elles passent les saisons. Et avec elles, les joies et les peines. Ding-dong, l'angélus, et faites teinter le glas. Aux bonnes heures de l'insouciance, on se souvient. Bien bon le jus de papelin. Ça, on aimait vraiment bien. Mais on se réveille, cocorico chante le bel canto. Lendemain de veille, désenchanté le regard, rattrapé par la réalité. Te voilà lucide, fini la candeur, ça rime à rien. Sinon, avec chandeleur. Chandelle de la bonheur, consumée. Dans les chapelles en ruine, on se souvient et on oublie. Car la mémoire nous tiraille entre souvenir et oubli. Chandelle, chapelle, rien d'éternel. Tout passe et trépasse. Dans le feu de nos guerres disparaît le réconfort. Cœur de beurre et de pierre, maudits damnés soient-ils, les enfants de la terre, vides d'âme et d'esprit, évanouis dans l'insolence, insolés la pitance de nos jours ordinaires. Maigre gamelle de ceux qui ne savent tirer le meilleur de la terre en la lui rendant. Bien bon les bienfaits pour ceux qui honorent les saisons de la terre en conscience. Ainsi passe le sable du temps de nos terres brûlées. Chandelle, chapelle, rien d'éternel. Et pourtant, si tout passe comme le fil des saisons, mon enfant, la force et la puissance de l'amour que je te porte résonnera pour toujours par-delà la paix.